chasseurs de venin, ouais. Capoto, Raketo, unité de feu, SNIPER, mon vieux. Si. MC en ville, si, personne ne maraudave. Une clope au bec en train de boire un noisette au bar. Avec Al Capote, l'empereur de la crasserie. Pour les frolos qui font leur petit rapido dans les brasseries. Si. Pour les prolos qui bossent dur pour faire entrer les lobes. Ceux que t'entends jamais se plaindre et qui s'en remettent au très haut. Croisant de la graine, que ça t'apprenne à rester humble. Maintenant dégaine, que ça t'apprenne à rester simple. Pas besoin de se déguiser pour martyriser l'instru. T'as beau briller, mais quand tu paieras, c'est désastreux. Pas besoin de crier. Pour faire passer le message, ton flow est flou, le mien est fluide. Bref, t'es dur à suivre, dégage. Nous c'est la bonne école pour les petits rappeurs de demain. Tous les petits cracheurs de venin, du rap comme à la bonne époque. Joue pas les rappeurs de D1, t'es qu'un rappeur sur le déclin. Laisse-nous le mic, on voit le beat, qu'on le déclenche. Hein. Mon amour pour le rap est à la limite de la haine. La limite du dégoût, ma joie est à la limite de ma peine. Mais sans ça ma vie j'étais à la limite de la ken. Écoute ça fort, avec les vides baissées de la caisse. Encore et toujours en mission pour le first night. Et lui de F, c'est jour de test, on a plus de style. Que la plupart de ces bâtards, comme disait dit abuse. On vient, on tue, on se barre et on leur dit à plus. Nouvelle ère, v'là le rappeur de demain. Prends une bouffée d'air, encaisse les vapeurs du 9-1. Cracheur de venin. Écoute mes textes, savoure les vers que je vous répète. C'est pour mes frères qui trouvent des scènes. Mon groupe est prêt, je vous fous les nerfs. Quand je bouge mes lèvres, je trouve Elder, je dessous Hélène. Et puis sous vos pieds coupés nerfs. Ça fourre des schnecks sans les préservatifs. L'amour est d'être, t'as ma parole sur ton CD verbatim. Je m'en branle de ton avis, je pratique la loi du talion. Je navigue comme un navire et je plane comme un avion. De la cam dans le camion Alka, outre Ouralfion. J'ai pas de médaillon, moi je représente mon bastion. C'est dangereux et bizarre, petite garce. Le jeu est tricard, y'a que des smicards. Sur un piano ou une guitare, je baisse du flicard. Pour tous mes frères au mitard, je verse du ricard. On fait la div, montre-leur. Ok, la mif, contrôleur de la rime. On voit la prod, j'ai la pine, j'ai la bim, je la plie, je la bille de ma voix. Wack MC, t'es massif, j'te la bite, t'es ma proie. Bois, crache ton venin, montre-leur. Ok, la mif, contrôleur de la rime. On voit la prod, j'ai la pine, j'ai la bim, je la plie, je la bille de ma voix. Wack MC, t'es massif, j'te la bite, t'es ma proie. Mon seul concept, c'est ma façon d'être et ça s'arrête là. Cherche pas plus loin, prends pas la tête, ça sert à rien. C'est quoi, je crois que t'as même pas idée à quel point j'en ai rien à foutre. Moi, je suis venu kicker comme si j'allais taper un foot pour m'amuser, pour passer du bon temps. Sauf qu'au lieu de cracher mes poumons, je suis venu cracher mon venin. T'entends ce son Kuba, y'a un truc bizarre qui se prépare. Alka dealer qui sont les bienvenus dans le traquenard. Comme des gros dixas dans le flûte, on a la traquema. Si tu veux souffler dans ma flûte, biatch, attrape là. C'est que tu pleuras des phases à l'œil, fais pas ta mijaurée. Sourire de traître, je réserve un bel accueil à mes ennemis jurés. 95 bon le. Moi j'étais qu'un galérien, posé sur le banc le soir, à qui ne branlait rien. Je voyais rien de bien à l'horizon pour ma poire. À force de me dire que j'étais un putain de bon à rien, j'ai bien failli le croire. Nouvelle merde, v'là le rappeur de demain. Prends une bouffée d'air, encaisse les vapeurs du 9-1. Cracheur de venin, n'ayez pas peur, je repeins le beat. J'ai des saveurs de gueudin, Alka le sale beurre, le requin. Je nique les crackers ainsi que les amateurs de seringues. Evry, Cour, Couronne, Essonne, Mary Poussou, Rome, t'escroques, les bisounours volent tes proches. Les flics tournent bouche comme des porcs. On les oblige à faire des petits tours sous notre décor. Des incous toutes folles débordent d'énergie, je m'éternise pas trop. Faut que mon avenir s'éclaircisse. Je sors d'un sommeil profond, gros con. Je vais brûler ton cocon familial et te fourrer le colon. Al Capote et Aketo fils. Prends pas d'héro, juste l'apéro à Teco. Et on plane comme un héros Smith. On fait la div, montre-leur. Ok, la mif, contrôleur de la rime. On voit la prod, je la pine, je la bim, je la plie, je la bille de ma voix. Wack MC, t'es massif, j'te la pite, t'es ma proie. Bois, crache ton venin, montre-leur. Ok, la mif, contrôleur de la rime. On voit la prod, je la pine, je la bim, je la plie, je la bille de ma voix. Wack MC, t'es massif, j'te la pite, t'es ma proie.